Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbo Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbo Auto est situé au 1770 boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. Nick Jean était de passage sur les ondes de CKJ dans l'émission dans le vestiaire pour parler évidemment de la fin de semaine des Saguenayens. Donc on écoute l'entrevue que Michel Tifo a réalisée avec Yannick Jean hier. Bonjour. Yannick Jean, ces gros voyages-là pour les nouveaux, parce qu'il y en a 13 nouveaux, je présume que ça va cimenter l'esprit d'équipe? Oui, définitivement. C'est le plus gros voyage de la saison. On espère qu'on va en ressortir là, grandi, justement, avoir un meilleur esprit d'équipe et affirmer les liens. Est-ce qu'il y a des activités? Évidemment, c'est combien d'heures d'autobus là, que vous vous tapez d'une shot, là? Bon, c'est 10 heures d'une shot. On fait juste 8 heures aujourd'hui. On s'en va à Moncton. OK. Demain, on va pratiquer à Moncton. Il va nous rester un autre 6 heures à aller jusqu'au Cap-Breton par la suite. Donc, je dirais, là, peut-être 15 heures d'autobus là, rouler, puis donc, peut-être là, 16, 17 heures avec les repas, là. Pour distraire les joueurs, qu'est-ce qui se passe dans l'autobus? Pouvez-vous faire du vidéo sur revenir sur d'autres matchs de hockey que vous avez joué avant? Oui, bien, on peut faire du vidéo individuel avec les joueurs. Les joueurs ont des périodes d'études également. On a un professeur qui est à bord de l'autobus qui aide les joueurs là, par rapport à leurs travaux scolaires. Si on revenait un petit peu aux deux matchs en fin de semaine contre Bécomo, ça a mal parti vendredi, ça s'est bien terminé samedi, mais vendredi, là, en troisième période, Bécomo a marqué 3 buts, puis après le match, puis je lisais les journaux le lendemain, t'avais pas l'air content de la performance de certains joueurs. Non, mais tu sais, il y a des soirs que t'aimes la persévérance, le travail, puis la manière que ton équipe fait les petits détails. Ce match-là, c'était pas le cas. D'autres soirs, ben, t'adores la manière que les joueurs se comportent, puis la maturité qu'ils montrent. Tu sais, vendredi, il y a plein de détails qu'on fait pas offensivement. On essaie de tricher pour générer de l'offensive. Défensivement, on était définitivement pas. On s'est vraiment pas comporté de la bonne manière. Puis, tu sais, il faut que quand tu fais des pas en avant, t'évites d'en faire de reculons. Puis, tu sais, c'est un petit peu le genre de performance que tu dis, bon, ben, les joueurs se sont essayés puis se sont brûlés. Vendredi, c'est le jeune gardien Schenk qui était devant le filet. Je l'ai trouvé bon, Schenk, moi. Je trouve que tu as eu un bon flair. Ben, d'abord, dans le midget, c'était l'un des meilleurs l'an dernier. Je trouve que tu as eu un bon flair d'amener ça à Chicoutimi, ce jeune-là. Ouais, les deux, nos deux gardiens font très, très bien jusqu'à maintenant. Tu sais, autant Schenk que Bouty ont gardé pour l'instant la moitié des matchs chacun. Nous ont donné une chance de gagner quasiment tous les soirs. Tu sais, pour la première fois samedi, on a gagné un match que notre gardien n'a pas eu d'étoile. Ça, c'est positif également. Mais pour revenir à nos deux gardiens de but, là, honnêtement, ils font bien ça. Puis ils vont aller seulement quand s'améliorer en prenant l'expérience. Et samedi, ben, c'était le retour de l'ascenseur. Vous avez chauffé un petit peu le tracard de Bécomo. Une belle victoire. Ça a dû faire plaisir à l'instructeur. Oui, puis surtout la manière. Tu sais, on parle souvent de processus. Tu sais, il ne faut pas insister sur le résultat. Puis même si c'était 2-0 en première période pour Bécomo, on s'était bien comporté. Je voyais des choses qui me faisaient dire que ça allait changer. Puis on est revenu dans le match, on a travaillé fort pour montrer là, des bonnes séquences là, de caractère, de détermination. C'est ce qu'on a besoin de faire en tant qu'équipe. Quand on va comprendre ça, puis le faire soir après soir après soir, comme on faisait justement là, rendu en deuxième moitié de saison, rendu en série éliminatoire l'an passé, ben, on va être une équipe difficile à battre, c'est ce qu'on veut devenir. Vendredi soir, avec des gens au Centre Georges Vézina, je parlais des joueurs de 20 ans, on est très satisfaits de Galipo, mais chez les spectateurs, les gens semblent dire que les climats pourraient en donner plus au niveau de l'attaque. Ben, je pense que Kelly peut en donner plus, numéro 6. Je pense que Kevin est probablement l'attaquant, et sûrement l'attaquant le plus constant de notre équipe depuis le début de la saison. C'est la raison pour laquelle on les a séparés. J'ai l'impression que Kevin amenait Kelly là un petit peu vers le Kelly amenait un peu Kevin un petit peu vers le bas. Kevin, c'est notre attaquant là, qui joue le plus. Avantage numérique, désavantage numérique, 5 contre 5, prend des mises en jeu. Tu sais, il y a quasiment le temps de glace là, à Nicolas Rouen l'an dernier, puis répond très, très bien pour nous. Sauf qu'on en attend plus là, de Kelly Klima qui ne donne pas du hockey là, à la hauteur de son talent pour l'instant. Et est-ce que c'est le cas que samedi, à Bécomo, tu as séparé les deux Russes? Oui, exactement. On a séparé les Russes, on a séparé les Klima. On a mis des joueurs de soutien avec des duos offensifs, puis ça a bien fonctionné pour nous. Est-ce que je veux te parler de Jérémy Groslot, ton défenseur, que l'an dernier j'ai trouvé très bon, puis cette année, c'est son année de repêchage, puis on dirait que Jérémy tarde à se faire valoir comme joueur qui va être repêché cette année, là. Oh mon Dieu, je pense qu'il y a une saison plus difficile l'an dernier, puis cette année, il est vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est un des joueurs qui m'a surpris le plus au camp d'entraînement. Je suis très constant depuis le début de la saison pour nous. Est-ce que c'est le cas, Yannick, un autre joueur de l'Ontario qui s'en viendrait joindre les rangs des Sags? Oui, on regarde ça. Il y a des chances là, que dans les prochaines heures, là, peut-être qu'on a des nouvelles sur quelque chose. Parce que Stevens, vous le gardez, lui, le Liam Stevens, il patine bien. Morovic, ouais, se passe quoi avec Morovic? Il est resté à la maison. Là. Il est en réflexion pour l'instant. En réflexion. Et les joueurs blessés, Naus, Dégagné, Lavigne, ça peut revenir sous peu? Pas en fin de semaine, pas dans le courant du voyage. Peut-être là, du côté de Morgan Naus au retour du voyage, mais on doit revoir le spécialiste encore pour avoir le feu vert. Et est-ce qu'on connaît l'identité du gardien de but pour mercredi à Cap-Breton? Oui, ça va être Schenk au Cap-Breton. Ensuite de ça, ça va être Boutier à Moncton et Schenk à dimanche à Saint-Jean. Yannick Jean, merci beaucoup. Bon voyage. Et puis, on espère que les Sags pourront accumuler beaucoup de points. Ça avait bien été l'année passée, dans les Maritimes. Oui, on avait deux bons voyages dans les Maritimes. Exact. On se croise les doigts. Merci. Merci. Merci Yannick, au revoir. Alors, il coupe le voyage en deux. Tu l'as pas fait de ce voyage-là. C'est Serge qui est allé. Oui. Moi, j'ai pas eu la chance de le faire. La Ligue nord-américaine, c'est moins loin un peu. Plus loin qu'on est allé, c'est Cornwall. C'est Cornwall. Très beau. C'est Cornwall, c'est quoi, 10, 12? 7. 7 heures? Oh, oui. Bon chauffeur?